بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في المسألة الخامسة والثلاثين تنسك مسألة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit, et ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent des femmes, alors celles-ci doivent observer une période de yani une idda, une période de deuil de 4 mois et 10 jours. Toujours sur la Al-Baqarah, verset 234. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الآية. هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Donc ce verset que vous citez actuellement là, qui est le 224 ou 234 à fois, dans son apparent a l'air de s'opposer à la parole d'Allah dans le sens où il dit, et ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent des femmes doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d'entretien sans les sortir de chez elles. Donc le premier, il parle de quoi? De 4 mois et 10 jours. Et l'autre, il parle de 1 an. قال الجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسخة لهذه وإن كانت قبلها في المصحف لأنها متأخرة عنها في النزول. Donc là, c'est une chose qui est apparente, c'est tout simplement que le premier verset qu'on a lu, ce qu'on a lu en premier, et abroge le verset d'après. Bien que dans le Mushaf, ce verset ait été cité en premier, c'est-à-dire l'abrogeant a été cité avant l'abrogé. Mais en réalité, dans l'ordre de la révélation, dans la descente, il est arrivé après. قال وليس في القرآن آية في هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين. Il dit que dans le Mushaf, il n'y a aucun endroit où on trouvera un verset qui est abrogeant venir avant l'abrogé, hormis en deux endroits. أحدهما هذا الموضوع. Premièrement, dans celui-ci, que le verset qui abroge est cité dans le Mushaf avant celui qui est abrogé. À savoir que l'ordre des versets, les versets ne sont pas forcément descendus dans l'ordre. Mais après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, yani min wahi, c'est Tawqifi qui a ordonné les ayat. D'accord? Qui a ordonné les ayat. والثاني آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد. Donc il dit l'autre verset, c'est dans le sens où Allah dit, ô toi le Nabi, nous t'avons rendu permis les femmes, ou tes femmes. Surat al-Ahzab, dans les Ahzab, il y a un coalisé, verset 50. Alors qu'elle était en premier dans le Mushaf. Puis dans la même sourate vient par la suite la yahlu laka an-nisa ba'du, et que ne te sont plus permises les femmes après cela. Toujours dans sourate al-Ahzab, verset 52. Li'annaha wa in taqaddamat fi al-mushaf fa hiya mutaakhiratun fi an-nuzul wa hadha ala al-qul bin-nasakh. Donc là on dit, même si elle est venue avant dans sourate al-Ahzab, elle est venue, elle a été citée en premier lieu, elle est descendue après l'autre. Et quoi qu'il en soit, le débat autour de ce... pour ceux qui voient qu'elle est nansikha, le débat autour de ce point-là va être cité, inshallah, dans sourate al-Ahzab. Inshallah. Donc, hada, donc le shahid de ce qu'on a pris aujourd'hui, qui est la 35e mas'ala, c'est que le verset qui cite que les femmes veuves doivent avoir une période de deuil de 4 mois et 10 jours. Quand même, ce verset est venu, bien qu'il était cité en premier lieu, il est venu en réalité après le deuxième, qui lui dit qu'elles ont un an. Donc c'est « Nansikh wal Mansour ». Ah, va-ho. Falhamdulillahi Rabbil Alameen.